suis dans les détails. C'est le risque que je reprends quitte à retomber par terre. Mais si tu m'énerves, n'a qu'au bêta. On insiste alors qu'on sait qu'il faut lâcher l'affaire. Enfant, je ne veux pas, j'aime quand t'es là. C'est bizarre te le dire, je n'y arrive pas. J'écris, j'efface, c'est mieux comme ça. Y'a un début mais aussi une fin. Un peu de toi et un peu de moi, tout peut s'arranger si c'est que la fierté. Tout ce que tu m'as fait sur le côté, si ça ne marche pas, on aura essayé. Tout est ok, viens dans mes bras avec moi. Tout est ok, ouais ouais, tout est ok. C'est la reggae, avec moi c'est géré. Ouais, tout est ok, bébé, tout est ok. Juste un peu de toi, ah ah ah ah. Et un peu de moi, ah ah ah. Juste un peu de toi, ah ah ah ah. Et un peu de moi, ah ah ah. On sait mais on le sait, on se fait du mal. À mes côtés, je ressens que t'es mon médicament. Et comment guérir de mes blessures sans toi. J'aime quand t'es relou, bébé, n'en fais pas trop. Prends tes affaires, te retourne pas si tu t'en vas. J'suis un négro capable, t'en trouveras pas de comme moi. On aura beau essayer, mais nous deux c'est mort. Y'a trop de mauvaises choses qui sortent de la bouche des gens. T'es la raison pourquoi mon cœur n'est plus le même, yeah. Dis-moi pourquoi tu ne veux plus communiquer. Tu veux partir demain, réessayer. Viens dans mes bras et tu verras que tout est ok. Tout est ok. Viens dans mes bras avec moi, tout est ok. Ouais, ouais, tout est ok. C'est la reggae. Avec moi, c'est géré. Ouais, tout est ok. Bébé, tout est ok. Juste un peu de toi, ah ah ah ah. Et un peu de moi, ah ah ah. Juste un peu de toi, ah ah ah ah. Et un peu de moi, ah ah ah. Un peu de toi et un peu de moi. Tout peut s'arranger si c'est que la fierté. Tout ce que tu m'as fait sur le côté. Ça ne marche pas, on aura essayé. Tout est ok, viens dans mes bras avec moi. Tout est ok, ouais ouais, tout est ok. C'est la reggae, avec moi c'est géré. Ouais, tout est ok, bébé, tout est ok. Juste un peu.